qui rivait à tant la vie, un petit sourire qui a tant plaisir. Elle est moins vine, c'est rien si qu'elle moi, la fin de l'âme en plaisir moi. Si tu es ça, ça vous porte bon moi. Tout tendresse, longtemps moins. Belle.